Lettre 30e, Evelina à M. Villard. Howard Grove, 6 mai. Le sort en est jeté et j'attends l'événement en tremblant. Lady Howard a écrit à Paris et elle a envoyé sa lettre à Londres pour être enfermée dans le paquet de l'ambassadeur. Dans moins de 15 jours, nous aurons la réponse. Qu'il me tarde, monsieur, de la recevoir. Elle doit décider du bonheur de ma vie. Mon inquiétude est inexprimable. Et la cruelle incertitude dans laquelle je suis ne me laisse pas un moment de repos. Ce seul objet absorbe toutes mes pensées. Intéressé comme je le suis à présent au succès de cette affaire, je regrette sincèrement que ce plan ait été formé. Il est impossible qu'il puisse tourner à mon avantage, ou je serai arraché d'entre les bras de celui qui jusqu'ici m'a tenu lieu de père, ou j'aurai le malheur d'être convaincu que je suis rejeté pour toujours par celui qui a des droits naturels à ce titre. Titre si cher que je ne prononce jamais sans que mon cœur soit embrasé de tout le feu de la tendresse filiale. Ce projet cause ici des contestations perpétuelles. Le capitaine Mirban et Madame Duval se querellent, selon leur coutume, chaque fois qu'il en est question. Je suis trop occupé de mes propres idées pour faire attention à leurs débats. Mon imagination me présente à tout moment des scènes nouvelles. Tantôt je crois embrasser un père tendre et compatissant qui m'ouvre son cœur, dont hélas j'étais banni trop longtemps. Je me peins son repentir et ses larmes, je l'entends invoquer les cendres de ma mère et lui demander grâce. Tantôt il me semble le voir jeter sur moi des regards de colère. Il ne retrouve en sa fille que l'image d'une sainte qu'il a offensée. Il me repousse avec effroi. Oh, écartons ces tables lugubres que me trace ma fantaisie. Il ne pourrait que vous affliger. Je ferai tous mes efforts pour prendre une assiette plus tranquille. Jusque-là, je m'abstiendrai de vous écrire. Que le ciel vous bénisse, mon très cher monsieur, puissiez-vous atteindre les bornes les plus reculées de la vie pour faire toujours le bonheur de votre Evelina.